En Corée du Sud, divers milieux condamnent le discours commémoratif du 15 août prononcé par Park Geun-hye, car il est constitué d'un bout à l'autre des propos antinationaux et antipopulaires. Les partis d'opposition comme le Parti démocrate de Bulon et le Parti du Peuple ainsi que Omae News, Yonam News et autres presse l'ont qualifié de pires propos donnant l'impression d'écouter les aveux éhontés de l'actuel pouvoir. Ils ont affirmé que son discours contient les paroles les plus terrifiantes parmi les discours commémoratifs précédents.